J'ai manqué mon élément théophanique. Je voulais m'enfarger comme la semaine passée, quand je suis rentré. Je vais pas expliquer ce que c'était un élément théophanique. Je vais recommencer, ouais. Peut-être qu'on pourrait se revoir une autre fois aussi. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? OK. On peut dire qu'on s'entend. Bon. Un élément théophanique, c'est quand... Quand Moïse montait sur le Sinaï, c'est pas les éléments de la nature se choquaient, les éclairs, et puis moi j'ai eu le droit à un petit bruit sur la marche avec une petite stepette genre Louis XIV. Puis à ce soir, j'ai eu le droit à rien. Je serai probablement mon élément théophanique. J'ai toujours annoncé que le sourire était le signe le plus théophanique de la présence de vous savez qui. Dans quelqu'un qui, dont notre ami Daniel va nous parler ce soir de ce qu'il n'a pas dit. Sujet absolument fascinant. Fascinant parce que j'écrivais à un des rédacteurs de la presse il y a quelques semaines, je lui disais, nous autres, à l'université, on est une espèce de secte, on ne sait pas quelque chose que d'autres ne savent pas et c'est jusqu'à temps qu'un type comme Daniel ait l'audace de dire que le savoir instantané, n'a pas nécessairement besoin de l'université. J'ai aimé ça. Alors, si vous voulez, on va le recevoir maintenant. Bonsoir, Daniel. Tu parlais de Louis, je sais plus qui tout à l'heure. 14. Mais je faisais référence, je pensais que tu voulais parler d'un autre Non, moi, Louis. tu fais référence à la chaise dans laquelle tu es assis. Ah oui. Ça sert. Qui est la chaise pour les femmes. Ah oui. D'ailleurs, c'est bien ça. Il y en a qui disent qu'on a une part de féminité puis de masculinité en nous. Alors, tu as les bras pour mettre le grand jupon, qui les bras sont plus bas, comme tu peux constater. Oh, mais les grands jupons à Moi, je suis nombreux bien boutons, assis. ça. Les grands jupons à nombreux boutons, ça, c'était pour la chasteté. C'était tellement long à déboutonner que... Au moment donné, ils ont théorisé, ils ont fait un petit trou dedans. Apparemment que c'est un grand trou. Il y a 60 000 prêtres qui ont laissé depuis Vatican. Un trou, c'est un gouffre. Bon. Oh. Là, je suis passé par un champ de bataille d'arriver ici, n'est-ce pas? Ah oui. Sir Aubindo parle d'une espèce de neige supramentale un jour qui tomberait sur les. Toute chance de promotion comme gérant de caisse populaire vient de s'éclipser. Ce n'est pas de cette annonce-là à la télé. Hein? Maurice Richard appelle ça les pellicules. Ouais, ben, ça, c'est après. On annonçait, je ne sais pas trop, là, président, comme quoi, qui permet au gars de devenir gérant des caisses populaires, madame, c'est ça? On dit que vous avez un beau sourire. Bon. Bon, alors, excusez-moi. J'ai manqué celle-là. J'ai manqué celle-là. Ah, oh, ben, ça dépend de vos... L'espoir, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ça dépend. Ouais, ça dépend de vos mémoires. Bon, on entre dans le vif du sujet, puisque c'est le désir de notre ami ici. Daniel, je trouve que c'est une question bien intéressante, puis je suis pas le genre à tendre des pièges, n'est-ce pas? Mais ça me pose une question, ça, ce que Jésus n'a pas dit. Comment est-ce qu'on peut vérifier ce qui n'a pas été dit? Si ma question est bien posée, là. La question est mal posée. Mais je m'inquiète pas de la réponse, en tout cas. La question devrait être posée comme celle-ci. Si ce que le Christ n'a pas dit n'a pas été dit par le Christ, comment on peut en parler? Bon. Jusqu'à date, les évangiles apocryphes ou ceux qui ont été publiés ont tenté de divulguer ce que le Christ avait dit. Et c'était assez facile de comprendre que cela se peut, étant donné que le Christ l'a dit. Donc, il fallait simplement que quelqu'un écoute, et la personne qui écoute va donc commencer à en parler. Alors, c'est donc facile de parler de ce que le Christ a dit. Maintenant, comment pouvons-nous arriver à oser vouloir parler de ce que le Christ n'a pas dit? C'est le format de la question. C'est